provoquer la marée, longer ces éternelles plages, courir vers une fin qu'on voit nous échapper. Faudrait pas oublier de s'arrêter, de s'attarder. Sablé, qui rêve d'une vie marine, qui croit pourtant s'accommoder le coquillage échoué d'un arrière-goût salé. Quand son être exigeant, c'est tellement séduisant de déposer sa route au pied de l'océan. Comme je l'aime, ce front si insolent, petit bout du monde fier, où s'impriment les pas des oiseaux et du temps. Je m'y suis essayé, croyant les miens indélébiles, mais la mer m'a rappelé ma condition fragile. J'ai trouvé mon paradis ici, un rivage ensablé, d'une vie marine, qui croit pourtant s'accommoder de coquillages échoués d'un arrière-goût salé. Écoutez ce refrain lancinant, j'en renoncerai autant. Mais pas de quoi s'inquiéter, rien qu'un étourdissement pour mieux se retourner, redevenir grand. Son être exigeant, c'est tellement séduisant de déposer sa route au pied de l'océan. On flirte avec l'écume pour mieux se rapprocher de ce qui nous échappe d'habitude.